Les sacs de farine par Lily Thomas Mead et Clifford Halifax. Par une froide matinée du commencement du printemps, je reçus la visite de deux dames, la mère et la fille. La mère portait le voile des veuves. C'était une femme grande et d'aspect distingué, avec des yeux noirs et une opulente chevelure surmontant un superbe front blanc. Les lèvres étaient fermes et les traits réguliers. C'était évidemment une femme de caractère. Mais des tristesses s'étaient inscrites en rides profondes sous les yeux et au coin des lèvres. La fille devait avoir 14 ans. Elle était extrêmement mince, avait des yeux noirs comme ceux de sa mère, et de magnifiques cheveux bruns qui descendaient jusqu'à la taille et flottaient sur les épaules. Comme sa mère, elle était en grand deuil, et autour de la bouche juvénile, autour des grands yeux noirs, étaient imprimées les mêmes traces d'une indicible tristesse. J'offris des sièges à mes visiteuses, et attendit, selon l'usage, qu'elles m'apprissent le motif de leur visite. « Je me nomme Heathcote, » dit la plus âgée. « J'ai récemment perdu mon mari et je viens vous voir au sujet de ma fille, qui n'est pas bien. » De nouveau et plus attentivement, j'examinai la jeune fille. Je vis qu'elle semblait nerveuse et épuisée. Son agitation était également si vive qu'elle pouvait à peine rester tranquille. Saisissant un coupe-papier posé sur une table voisine, elle se mit à le faire tourner rapidement entre ses doigts. « Cela me soulage d'agiter quelque chose, » fit-elle à sa mère en manière d'excuse. « Quels sont les symptômes qu'éprouve mademoiselle ? » demandai-je. Mrs. Heathcote se mit à les énumérer de cette manière vague qui caractérise toute une catégorie de clients. Je démêlai enfin de son discours que Gabrielle ne mangeait pas, qu'elle dormait mal, qu'elle était faible et abattue, ne prenant d'intérêt à rien. « Quel âge a Miss Gabrielle ? Elle va bientôt avoir 15 ans. » Tout le temps que parla Mrs. Heathcote, la jeune fille tint ses yeux fixés sur le tapis. Elle agitait constamment le coupe-papier et bâilla une ou deux fois profondément. Je la priai de se prêter à l'examen médical d'usage. Elle obéit sans empressement et ses yeux disaient clairement « Toute jeune que je sois, je sais combien sont inutiles toutes ces comédies. Je ne m'y soumets que parce que j'y suis obligé. » Je tâtai son pouls et l'auscultai. Le cœur était un peu faible, mais les poumons étaient en bon état. En un mot, à part une faiblesse générale physique et morale, je ne découvrais aucun symptôme inquiétant. Au bout d'un instant, je sonnai et ordonnai à mon domestique de conduire Miss Heathcote dans une autre pièce, afin de pouvoir parler en particulier à la mère. La jeune fille sortit de fort mauvaise grâce. Le scepticisme de sa physionomie était plus visible que jamais. « Vous me promettez de me dire toute la vérité ?» demanda Mrs. Heathcote dès que nous fûmes seuls. « J'ai fort peu de choses à vous dire. J'ai soigneusement examiné votre fille, qui n'est atteinte d'aucune maladie. Sans doute son état n'est pas normal. La faiblesse est extrême et l'abattement général. Mais un régime fortifiant mettra ordre dans tout cela. J'en ai essayé sans succès. » « Votre médecin habituel n'a-t-il pas vu Miss Heathcote ?»« Pas depuis quelque temps. » La veuve parut hésiter. « Nous ne l'avons plus consultée depuis la mort de mon mari. »« Combien y a-t-il de cela ?»« 6 mois. » Elle prononça ces derniers mots avec une tristesse infinie, et son visage déjà fort pâle devint encore davantage. « Ne pouvez-vous me donner d'autres renseignements sur l'état de votre fille ? A-t-elle par exemple quelques soucis qui puissent la tourmenter ?» « Nullement. Elle semble bien triste pour une aussi jeune fille. Songez qu'elle vient de perdre son père. »« Sans doute. Mais cela ne suffit pas à expliquer son état nerveux. Une enfant bien portante ne devrait pas, au bout de 6 mois, éprouver un chagrin tel que sa santé en soit ébranlée, du moins dans les cas habituels. »« Cela me fait beaucoup de peine. » Mrs. Heathcote paraissait fort troublée. Son agitation se devinait au tremblement des mains et des lèvres. « Votre fille, dis-je en me levant, souffre des nerfs. Elle n'a pour le moment aucune maladie, mais la surexcitation du cerveau pourrait en provoquer une, ou tout au moins ébranler le système nerveux déjà épuisé, à un degré dangereux. Je vous conseille de la changer d'air immédiatement. » Mrs. Heathcote soupira profondément. « Vous ne paraissez pas très bien vous-même, » ajoutai-je en attachant sur elle un regard perçant. Elle devint pourpre. « J'ai eu tellement de chagrin, » répondit-elle. Je fis encore quelques recommandations d'ordre général, rédigeai une ordonnance pour la jeune fille, et Mrs. Heathcote prit congé. Vers la même heure, le matin suivant, je fus fort étonné quand mon domestique me remit une carte au crayon indiquant ce nom, Gabriel Heathcote, au-dessous de la même écriture droite et peu formée étaient tracés ces mots « J'ai besoin de vous voir, sans retard ». Quelques instants plus tard, Miss Gabriel entrait dans mon cabinet. Son aspect était le même que la veille, à l'exception du visage qui était sérieux, réfléchi et tout à fait éveillé. « Comment allez-vous » dit-elle en me tendant la main tout en rougissant. « Je me suis risqué à venir seul et je n'ai pas d'argent. Cela fait-il quelque chose ?»« Rien du tout. Asseyez-vous. Je vous en prie et dites-moi ce que vous désirez. »« Je préférerais rester debout. Je suis trop énervée pour demeurer assise. J'ai quitté la maison sans que ma mère le sache. Votre air m'a plu hier et j'ai résolu de venir vous trouver. Puis-je avoir confiance en vous ?»« Certainement. » Cet étrange enfant éveillait en moi un vif intérêt. J'étais convaincu que mes conjectures de la veille étaient justes et que cette frêle créature portait le poids de quelques secrets qui ruinaient sa santé. « Je vous écoute, » continuai-je. « Ne soyez pas trop longue, parce que je suis fort occupée, mais dites-moi tout ce qui peut expliquer votre état et m'aider à vous guérir. Vous me voyez très nerveuse. Vos nerfs seront détraqués. Vous savez que je ne dors pas la nuit ? » ?»« Oui. » Miss Gabriel regarda du côté de la porte. « Est-elle fermée ?» demanda-t-elle avec agitation. « Certainement, elle l'est. » Elle se rapprocha de moi et baissa la voix jusqu'à chuchoter. Son visage n'était plus pâle, mais prenait une teinte terreuse. « Je ne puis garder plus longtemps mon secret. Il faut que je vous confie la vérité. Vous ne dormiriez pas. Si vous étiez à ma place, mon père n'est pas mort. » « Quelle folie ! Il ne faut pas vous imaginer de pareilles choses, Miss Gabriel, ou bien votre cerveau deviendra gravement malade. » C'est ce que Mère dit quand je lui parle, mais je vous jure que c'est la vérité. Je sais que mon père n'est pas mort. Comment pourriez-vous le savoir? Je l'ai vu, là. Vous avez vu votre père, mais il est mort depuis 6 mois. Oui, il est mort, on l'a enterré, et j'ai assisté à l'enterrement, mais malgré tout, à présent, il n'est pas mort. Ma chère demoiselle, fis-je avec la plus grande douceur, vous êtes victime de ce qu'on appelle une hallucination causée par la grande douleur que vous avez ressentie de la mort de votre père. Certes, j'ai eu des chagrins. Je l'aimais au-delà de toute expression. Il était si doux, si affectueux, si bon pour moi. Quand il mourut, cela me broya le cœur. Je crus que je ne pourrais plus jamais être heureuse. Ma mère était aussi accablée que moi. Il n'y avait pas au monde de créature aussi éprouvée. Il semblait impossible à chacune de nous de sourire ou d'être joyeuse. Je commençais à mal dormir car je pleurais, tant que mes yeux me faisaient mal et je ne songeais plus à apprendre mes leçons. Tout cela passera, cette douleur est naturelle, mais le temps calmera sa violence. Vous croyez ? Fit l'enfant avec un sourire étrange. Laissez-moi continuer mon histoire. Ce fut à Noël que je revis pour la première fois mon père. Nous habitons à Brixton, une vieille maison avec un jardin derrière. Vers minuit, j'étais à ma fenêtre. Je m'étais mis au lit plus d'une heure auparavant, mais je n'avais pu dormir. La maison était complètement silencieuse. Je quittais mon lit, m'approchais de la fenêtre et soulevais le rideau. Je demeurais là, à regarder dans le jardin couvert de neige. Et sous la fenêtre, debout, les bras croisés, je vis mon père, immobile, levant lentement la tête, d'abord vers ma chambre, puis vers celle de ma mère. Il resta là près de 5 minutes, puis traversa la pelouse et se mit à l'abri des arbres. Je passai un vêtement, descendis précipitamment et, tirant les verrous de la porte, je courus dans le jardin, appelant mon père en me dirigeant vers le bosquet. Mais il n'y était plus, et je crois que je m'évanouis. Quand je revins à moi, j'étais dans mon lit et ma mère se penchait sur moi. Elle avait le visage gonflé, comme si elle avait pleuré longtemps. Je lui racontai que j'avais vu mon père. Elle m'assura que c'était un rêve. C'en était un. Les sourcils noirs de Miss Gabriel se froncèrent. « Je ne croyais pas que vous accepteriez cette explication banale, » dit-elle d'un ton chagrin. « Je suis fâchée de vous avoir peiné. Quand les jeunes filles de votre âge ont des sujets de tristesse, elles font de mauvais rêves et ces rêves semblent souvent si vivants qu'elles les prennent pour des réalités. Fort bien. Mais alors j'ai eu d'autres rêves, tout aussi vivants. J'ai revu mon père. La dernière fois, c'était dans la maison, le mois dernier. Comme d'habitude, je n'avais pu m'endormir. Je descendis très tard chercher le deuxième volume d'un roman qui m'intéressait. Père traversait le corridor. Il me tournait le dos. Il ouvrit la porte de son cabinet, entra et la referma derrière lui. Je me précipitai pour l'ouvrir et le suivre. Elle était fermée à clé, et bien que je criasse par le trou de la serrure, personne ne me répondit. Mère me trouva agenouillée devant la porte, appelant mon père. Elle était habillée, ce qui me sembla étrange étant donné l'heure tardive. Elle me fit remonter, me coucha, et prétendit être en colère contre moi. Mais quand je lui racontai que j'avais vu mon père, elle se mit à pleurer amèrement et dit « Oh, Gabriel, il est mort, tout à fait mort. »« Alors il ressuscite, » répondis-je. « Non, il n'est pas mort, je viens de le voir. »« Ma pauvre enfant, » dit ma mère, « il faut que je vous fasse voir sans retard un bon médecin. Il ne faut pas avoir des idées pareilles. »« Bon, je consens à voir le docteur Mackenzie. » J'interrompis la narratrice pour demander qui était le docteur Mackenzie. « C'est notre médecin, il nous soigne depuis des années. » « Et que répondit votre mère ? » Elle frissonna. « Non, » dit-elle, « je ne veux pas qu'il vienne à la maison. » Puis elle décida de venir vous trouver. « Avez-vous eu de nouveau cette hallucination ?»« Ce n'en était pas une, » répéta-t-elle, les lèvres serrées. « Je ne veux pas vous contrarier. Avez-vous revu votre père ?»« Non, et il est peu probable que je le revoie. » « Qui vous le fait croire ?»« Je ne puis vous le dire. » »« Je pense que ma mère y est pour quelque chose. » »« Je ne sais ce qui la rend malheureuse, mais parfois elle semble avoir peur de moi. » Miss Heathcote se leva sur ces mots. « Vous m'avez recommandé d'être brève ? J'ai fini. » « Vous voyez qu'on ne saurait me guérir avec les remèdes ordinaires. Il ne pourrait pas plus le faire qu'arracher ma mère à ses sombres rêves. » « Je ne savais pas que madame votre mère fût sujette à des cauchemars. Elle en a, mais elle ne veut pas qu'on en parle. Elle en a de si effrayants qu'elle sanglote en dormant et qu'elle a quitté sa chambre, voisine de la mienne, pour aller s'enfermer à l'autre bout de la maison. Pauvre mère, j'en suis fâché pour elle, mais je suis malgré tout contente d'avoir le courage de tout vous dire. » Vous tâcherez de découvrir la vérité, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? J'entends naturellement que vous découvriez la preuve que mon père est vivant. Trouvez-la et apportez-la à moi. Je remets l'affaire entre vos mains. Je sais que vous êtes avisé et fort habile. Au revoir. L'étrange fillette me quitta, des larmes roulant sur ses joues. Je dus m'occuper d'autres malades, mais il me fut impossible de chasser cette histoire de mon esprit. Il n'y avait pas à douter qu'elle ne m'eût dit ce qu'elle croyait fermement être la vérité. Ou elle avait revu son père en chair et en os, ou elle avait été victime d'une hallucination et probablement cette dernière supposition était la bonne. Un homme ne pouvait mourir et être enterré tout en restant en vie. Mais alors, pourquoi Mrs. Heathcote, en m'amenant sa fille la veille, n'avait-elle pas parlé de cette importante particularité de sa maladie? Elle m'avait caché les visions de Gabriel. Pourquoi aussi cette mère m'avait-elle paru si nerveuse? Pourquoi avait-elle passé sous silence ses propres cauchemars, si troublants qu'il l'obligeait à changer de chambre pour que ses cris ne parvinssent pas aux oreilles de sa fille? « Je remets l'affaire entre vos mains, » avait dit Miss Heathcote. La pauvre enfant eût fait de même s'il se fût agi d'une vengeance. Je ne pouvais chasser l'obsession de cette aventure et cela me causait un tel malaise que je résolus d'aller voir le docteur Mackenzie. C'était un médecin de Brixton, ayant une importante clientèle. Son nom m'était inconnu. Déjà, à deux reprises, je m'étais trouvé en consultation avec lui. Je cherchais son adresse dans l'annuaire médical et, le même soir, un fiacre m'amena chez lui. Il se trouva y être, je fis passer ma carte et fus aussitôt introduit. Il me fit entrer dans son cabinet et j'eus vite fait de lui expliquer le motif de ma visite. Après quelques commentaires, je lui dis que je serais heureux d'avoir des détails sur la mort de Heathcote. « Il m'est facile de vous en donner, » dit Mackenzie. Son mari était parfaitement déterminé. Il était phtisique depuis plusieurs années. Il est mort d'une hémoptysie. Quel âge avait-il ? Il n'était pas bien vieux, un peu plus de 40 ans. C'était un homme grand et mince, l'air bon et le visage maigre. Bref, un cas fort ordinaire de phtisie. Je mis Mackenzie au courant de la visite que m'avait faite Mrs. Heathcote et lui rapportai fidèlement l'étrange récit de Miss Gabrielle. « C'est une enfant très excitable, » dit-il. « Je l'ai souvent soignée au cours de ces dernières années et j'ai toujours pensé qu'elle était trop nerveuse. Évidemment, Elle est victime d'une hallucination causée par le chagrin qui affaiblit son organisme un peu délicat. Elle a probablement hérité la maladie de son père. Mrs. Heathcote devra la faire voyager sans tarder. Il semble que Mrs. Heathcote ait, autant que sa fille, besoin d'un changement d'air. Mais pardonnez-moi de vous poser encore quelques questions. Vous m'obligeriez, en me décrivant la mort de Heathcote aussi exactement que vous le pourrez. Volontiers, dit Mackenzie, s'asseyant de l'autre côté de la cheminée. Quand il mourut, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Je l'avais ausculté 3 mois auparavant, il était phtisique, mais point un degré avancé. Je lui recommandais de passer l'hiver à l'étranger. Il exerçait la profession d'avoué et avait une belle clientèle. Je me souviens qu'il me demanda avec un froncement ironique des sourcils comment il pourrait exercer sa profession à tant de lieux de Chancery Lane. Mais arrivons à sa mort. Elle survint, il y a 6 mois, au commencement de septembre. La saison était chaude. Je rentrais de vacances, ma valise et mon sac de voyage déposés dans le vestibule, je payais le cocher, quand arriva un domestique de Heathcote pour me prier de venir tout de suite voir son maître, mourant à ce qu'il dit. J'y allai aussitôt. C'était à 2 pas. Quand il fait jour, on aperçoit de mes fenêtres les murs du jardin. J'arrivai à la maison. Gabriel m'attendait dans le vestibule, le visage pâle et l'air hébété. Je suis son vieil ami. Quand elle m'aperçut, elle courut à moi, saisit mes mains et éclata en sanglots. « Venez, sauvez-le » gémit-elle avec des cris fous. Une dame qui se trouvait là emmena l'enfant dans une chambre. Je montai et trouvai Heathcote étendu sur son lit, effrayant à voir. Son visage portait déjà l'empreinte de la mort. Il était couvert de sang, ainsi que les draps et les cheveux. Près de lui, sa femme essuyait ses lèvres sanglantes. Naturellement, je compris d'un coup d'œil ce qui était arrivé. Une hémoptysie s'était produite et je présumais que ses heures étaient comptées. « Vaisseau s'est rompu, » s'écria Mrs. Heathcote. Il s'apprêtait à venir dîner quand il se mit à tousser violemment. Le sang commença à jaillir de sa bouche. Je le mis au lit et vous fis demander. L'hémorragie semble maintenant se calmer. J'examinai soigneusement le malade, tâtai son pouls qui était très faible et lent, et recommandai qu'il ne prononçât pas une parole. Puis je priai Mrs. Heathcote d'envoyer de suite chercher de la glace. Dès qu'elle arriva, je l'appliquai au malade et lui administrai une dose d'ergotine. Il semblait mieux. Je le quittai en promettant de revenir dans 1 ou 2 heures. Comme je sortais, je rencontrai Gabriel. Va-t-il mieux? N'y a-t-il plus d'espoir? Il va mieux. L'hémorragie est arrêtée. Je reviendrai tout à l'heure. Il faut être une brave fille et tâcher de consoler votre mère. Alors il n'y a plus d'espoir. Pouvais-je assurer que si? Je savais que les jours du pauvre Heathcote étaient comptés, sans toutefois prévoir que la fin dût venir si vite. Que voulez-vous dire? Ceci. Moins 1 heure après mon départ, je reçus un courrier de Mrs. Heathcote, m'informant qu'une nouvelle et violente hémorragie s'était déclarée et que son mari était mort. Et alors? Alors l'histoire est finie. Le pauvre Heathcote avait succombé à une hémoptysie. L'avez-vous vu après sa mort? À quoi bon? La cause de la mort était tellement évidente. J'ai assisté seulement à l'enterrement qui eut lieu à Kensal Green. Après un moment de silence, je dis enfin « Je regrette que vous n'ayez pas vu le défunt. » Mon observation parut agacer Mackenzie. Il fronça les sourcils. « L'auriez-vous jugé indispensable? Un homme notoirement physique meurt des suites d'une violente hémorragie. La famille est dans le chagrin, en proie à 1000 embarras. Auriez-vous jugé bon, dans ces circonstances, de refuser de délivrer le certificat sans vous être assuré du décès? En règle générale, répondis-je après une réflexion, il faut toujours s'en assurer. Mais évidemment, la lettre de la loi vous excuse. Donc il n'y a pas de doute que Heathcote ne soit réellement mort. Des doutes? N'avez-vous pas compris qu'il est enterré depuis 6 mois? Que je l'ai vu, pour ainsi dire, mourir? Que j'ai suivi son convoi? Par quel miracle pourrait-il être encore en vie? Vous avez raison, il est mort. Je le regrette pour cette pauvre petite. Il faut qu'on lui fasse immédiatement quitter cette maison. Les filles de son âge font souvent des hallucinations. Cela lui passera. Mais je m'étonne qu'on laisse ainsi traîner les choses. Il me revient maintenant que je ne suis plus retourné la voir depuis les funérailles. Je ne puis comprendre qu'on ne m'ait point appelé. Ceci m'étonne également. Mais Heathcote est venu me consulter, moi qu'elle ne connaissait pas, au lieu de vous, son médecin, et elle m'a soigneusement caché les circonstances les plus importantes de la maladie de sa fille. C'est fort extraordinaire, et quoique je n'en ai pas la moindre idée, je suis convaincu qu'il doit exister une explication de sa conduite. Encore une question, Mackenzie, avant que je parte. Vous avez dit qu'Heathcote était avoué. A-t-il laissé sa famille dans l'aisance ? Je ne crois pas que les pauvres femmes soient riches, mais elles ne me paraissent pas dans le besoin. Leur maison, à Ivy Hall, leur appartient à ce qu'il me semble. Elles y vivent dans la retraite avec deux servantes. J'oubliais de vous dire que les Heathcote appartiennent à la bourgeoisie. Ainsi, le mystère ne pourrait s'expliquer par des soucis d'argent. Il n'y a pas de mystère, croyez-moi, conclut Mackenzie d'un ton agacé. Je lui tendais la main pour prendre congé quand un tapage s'élevant à la porte nous fit tressaillir. On frappait avec une impatience frénétique. « Voici quelqu'un qui a de vous un besoin urgent, » dis-je au docteur. Avant qu'il ait pu répondre, la porte du cabinet fut ouverte impétueusement et Gabriel Heathcote se précipita vers nous. « Mère est très mal. Je crois qu'elle a perdu la tête. Venez la voir tout de suite. » Il saisit la main de Mackenzie en continuant. « Il n'y a pas une minute à perdre. Elle pourrait se tuer. Elle est arrivée près de moi, un couteau à découper à la main. Vite, j'ai couru chez vous, tandis que les deux servantes restaient près d'elle, s'efforçant de la maintenir. Venez vite, je vous en supplie. » À ce moment, elle m'aperçut. Un éclair de soulagement, presque de joie, illumina son pauvre petit visage maigre. « Vous ici ? » s'écria-t-elle. « Venez aussi. Oh, que je suis contente !»« Si le docteur Mackenzie m'y autorise, je l'accompagnerai volontiers. » « Certes, » répondit ce dernier, « venez, vous pourrez nous être d'une grande utilité. » Nous partîmes aussitôt. Dès que nous fûmes dehors, Gabriel s'éloigna en courant. « Je vais vous ouvrir la porte, » cria-t-elle. Elle disparut, comme portée sur les ailes du vent. « Voilà une brave petite fille, » dis-je au docteur. « Elle a toujours beaucoup aimé ses parents. » Nous n'échangeâmes point d'autres paroles jusqu'à notre arrivée à Ivy Hall. C'était une vieille maison de forme irrégulière, avec de nombreuses chambres basses et un grand vestibule. Elle devait être fort agréable, l'été, à cause du grand jardin entouré de murs. La nuit était sombre, mais la lune allait paraître. Gabriel nous attendait sur le seuil. « Je vais vous conduire à la chambre de mère. » Sa voix tremblait, elle était très pâle. Elle frissonnait. Devant nous, elle monta l'escalier, 4 à 4, et prit un immense corridor conduisant à une chambre séparée du reste de la maison. « Je vous ai dit que ma mère voulait la chambre la plus éloignée de la mienne, » fit-elle en me jetant un regard. J'acquiesçai d'un signe de tête. Nous ouvrîmes la porte et entrâmes. Peu de médecins, on vit un spectacle semblable à celui qui frappe à nos yeux. La malade gisait sur son lit en proie à un violent délire. Deux servantes se penchaient sur elle, s'efforçant de la maintenir. Je leur dis aussitôt avec autorité, « Vous pouvez vous retirer. Restez seulement à côté pour le cas où on vous appellerait. » Elles obéirent en me jetant un regard de surprise. La vue de Mackenzie parut les soulager. Je fermai la porte derrière elle et m'approchai du lit. Un coup d'œil me montra que Mrs. Heathcote n'était pas folle, à proprement parler, mais en proie à un accès aigu de délire. Je posai ma main sur son front. Il était brûlant de fièvre. Le pouls était rapide et inégal. Mackenzie prit la température, qui était de 40 degrés. Tandis que nous l'examinions, elle se tint tranquille, mais dès que nous nous redressâmes pour nous asseoir à son chevet, elle recommença à divaguer. « Qu'y a-t-il, Gabriel ? » ?»« Non, non, mon enfant, il est tout à fait mort. Je vous dis que j'ai vu les hommes clouer son cercueil, il est mort. Oh Dieu, oui, mort, mort !» Elle se dressa sur son séant, les yeux dardés devant elle, par-dessus nos têtes vers le milieu de la chambre. « Il ne faut pas venir si souvent. » Elle s'adressait à quelqu'un qu'elle semblait voir distinctement. « Je vous dis que c'est imprudent. Gabriel se doute de quelque chose. Ne venez pas si souvent. Nous nous arrangerons autrement. Ayez confiance en moi. Vous savez bien que je ne vous laisserai pas mourir de faim. Mais partez, partez !» Elle retomba sur son lit, pressant convulsivement ses mains sur ses yeux brûlants. « Votre père, Gabriel, est mort depuis 6 mois, » reprit-elle, en changeant de ton. « Nul ne fut jamais plus mort. Je vous dis que je l'ai vu mourir. On l'a enterré. Vous avez suivi son convoi. » Elle continua d'une autre voix, se redressant avec un signe de la main. « Voulez-vous apporter le cercueil ici ? Là, je vous prie, dans cette chambre. Oui, c'est un beau cercueil, bien fait. Il est en chêne, c'est parfait. » Le chêne dure davantage. Je n'aime pas ces cercueils qui se brisent si vite. Celui-ci est très bien. Il vous a donné du travail ? Oui. Placez-les doucement. Il n'est pas lourd, n'est-ce pas ? Vous voyez comme il est maigre. La phtisie, oui, c'est la phtisie. Il était mourant depuis longtemps, mais la faim n'a pas duré. Une hémorragie. C'est pour sauver Gabriel et empêcher ce qu'il fallait empêcher. Le déshonneur, le... À ces mots, elle éclata d'un rire déchirant. Vous ne pensez pas, messieurs les menuisiers, que je vais vous dire pourquoi nous avons fait cela. Le docteur Mackenzie y était. Il l'a vu au dernier moment. Maintenant que vous l'avez bien arrangé dans son cercueil, vous pouvez vous retirer. Merci. Ne regardez pas son visage. Je ne le veux pas. Le visage d'un mort est sacré. Il est paisible, mais pâle, très pâle. Tous les morts sont pâles. N'est-ce pas ? Il est aussi pâle qu'on peut l'être. C'est vrai. J'oubliais. Vous ne pouvez le voir. Et aussi froid. Oui, je le crois. Vous pouvez clouer le cercueil. Je n'y pensais plus. Faites vite. Oh, comme ce bruit me fait mal. Je deviendrai folle si vous ne finissez vite. Dépêchez-vous et laissez-moi seule avec mon défunt. Oh Dieu, avec mon défunt. La voix de la malheureuse femme sombra dans un rauque gémissement. Elle se jeta à genoux et, joignant les mains, commença à prier. Dieu du ciel, ayez pitié de moi et de mon défunt. Et maintenant, où est le tournevis ? Au ciel, il est perdu, perdu. Qu'allons-nous faire ? Mon Dieu ! Que devenir ? Ma raison vacille. Oh mon Dieu, mon Dieu ! Elle gémissait, pleine d'effroi. Nous la recouchâmes. Ses murmures devinrent plus précipités et indistincts. Enfin, elle s'endormit. On ne peut la laisser seule dans un pareil état, me dit Mackenzie. Cela ferait du mal à Gabriel de rester près d'elle en ce moment. Et on ne peut pas se fier à ces jeunes servantes. Je vais faire venir au plus tôt une infirmière. Auriez-vous la bonté de rester ici jusqu'à ce qu'elle arrive ? J'allais précisément vous proposer de veiller cette nuit la malade. Vous êtes trop bon. Pas du tout, le cas m'intéresse à l'extrême. L'instant d'après, Mackenzie quitta la maison. Pendant son absence, Mrs. Heathcote dormit et je demeurai près d'elle. La fièvre continuait. La malade gémissait sans cesse en proie à des cauchemars. Mais elle ne dit plus rien de compréhensible. J'étais très inquiet. Évidemment, elle était épuisée par une torture morale. Je n'osais penser à la signification de ses paroles. Mon devoir, pour le moment, était de tout mettre en œuvre pour la soulager. L'infirmière arriva vers minuit. C'était une brave femme, mûre, très forte, et habituée à soigner des fiévreux. Je lui fis quelques recommandations, la priant de sonner si elle avait besoin de moi et sortit de la chambre. Comme je descendais lentement l'escalier, je remarquai que la lune s'était levée. La maison était entièrement calme. Les gémissements de la malade ne s'entendaient pas à cause de l'éloignement de la pièce où elle reposait. Tout en descendant, le récit de Gabriel me remit en mémoire la silhouette du père apparue dans le jardin sous les rayons de lune. Une curiosité me prit de voir ce jardin, et m'approchant d'une persienne qui fermait une des fenêtres du vestibule, je jetai un coup d'œil rapide. Ce que je vis me fit reculer. Étais-je moi aussi le jouet d'une illusion ? Debout, au milieu du jardin, se tenait un homme de haute taille, tête nue et les bras croisés. Il ne regardait pas de mon côté, mais la lune éclairait son visage cadavéreux. Il rentra dans l'ombre. Cela n'avait duré qu'un instant. Il m'était apparu et avait disparu comme un éclair. Je continuai lentement à descendre. L'apparition ressemblait exactement au portrait que Mackenzie avait fait de Heathcote. Mais entre toutes les choses stupéfiantes de ce monde, était-il possible qu'un homme pût quitter son cercueil et se promener si près des vivants ? Gabriel m'attendait dans un clair salon. Un grand feu brûlait dans la cheminée, et sur les consoles étaient des flambeaux. De petites tables supportaient des lampes à abat-jour. Une autre, un peu plus grande, recouverte d'une nappe blanche, était chargée d'un plateau garni de verre, de carafes de sherry ou de bordeaux et d'une assiette de sandwich. « Vous devez être fatigué, » dit-elle. « Je vous en prie, buvez un verre de vin et mangez un peu. Je sais que ces sandwichs sont bons, je les ai faits moi-même. » Elle me pressa de manger et de boire. À la vérité, je tombais d'inanition. La scène de la chambre de la malade avait brisé mes nerfs d'acier, et le spectacle aperçu de la fenêtre du vestibule m'avait presque coupé la respiration. Gabrielle me servit comme si elle eût été ma fille. Je fus touché de sa sollicitude et de la façon si noble dont elle s'efforçait de s'oublier elle-même. À la fin, elle dit, d'une voix tremblante d'émotion, « Je sais, docteur Halifax, que vous jugez ma mère très malade. Elle l'est certainement. Comme c'est bon à vous d'être venu la soigner. Vous êtes un grand médecin, n'est-ce pas ?» Je souris à la question de l'enfant. « Je voudrais que vous me racontiez comment est venue la maladie de votre mère, » dis-je après un silence. « Quand je la vis, il y a 2 jours, elle ne semblait nullement malade. C'est vous qui étiez, supposait-elle. » Gabrielle s'assit près de moi. « Il y a là-dedans un mystère, » fit-elle, « mais je ne pus le découvrir. Quand je revins de chez vous aujourd'hui, ma mère semblait agitée, très inquiète. Je pensais qu'elle me questionnerait sur ma longue absence et me demanderait au moins ce que j'étais devenu. Au lieu de cela, elle me recommanda de marcher doucement, disant qu'elle avait une violente migraine et ne pouvait supporter le moindre bruit. Je vis qu'elle était sortie, car elle avait des bottines couvertes de boue. J'essayai de la décider à manger quelque chose, mais elle refusa, et comme je vis qu'elle désirait rester seule, je la quittai. À l'heure du thé, notre femme de chambre, Peters, m'a dit que mère était allée se coucher et avait donné des ordres pour qu'on ne la dérangeât sous aucun prétexte. Je pris seul le thé. Puis je vins ici mettre de l'ordre. Une ou deux fois déjà, depuis la mort de mon père, mère avait souffert de violents maux de tête et était allée se coucher. Mais dès qu'elle allait mieux, elle s'habillait et descendait. Je croyais qu'il en serait de même ce soir et qu'il lui plairait de se trouver dans une pièce gaie et bien arrangée. Je pris un livre pour tâcher de lire, mais mes pensées allaient à ma mère dont j'étais terriblement inquiète. Le temps me paraissait d'une longueur mortelle, et je souhaitais que la soirée prît fin. Vers 8 heures, je montai écouter à la porte de mère. Elle gémissait en se parlant à elle-même. Il me sembla qu'elle disait des choses effroyables qui me firent frissonner. Je frappai à la porte, mais sans obtenir de réponse. Alors je tournai le bouton pour essayer d'ouvrir, mais la porte était fermée à clé. Je redescendis et Peters vint me demander si je voulais souper. Elle était encore là, sans que je me fusse décidé quand je l'entendis pousser un léger cri. En me retournant, j'aperçus ma mère, debout dans son vêtement de nuit, tenant à la main le couteau à découper. « Gabriel, » dit-elle d'une voix calme, mais avec de l'effroi dans les yeux, « il faut me dire la vérité. Y a-t-il du sang sur mes mains ?»« Non, non, mère, » répondis-je. Elle poussa un profond soupir et les regarda comme eût fait Lady Macbeth. « Gabriel, » dit-elle encore, « je ne puis vivre plus longtemps sans votre père. J'ai aiguisé ce couteau, ce sera vite fini. » Alors elle se retourna et sortit. Peters courut appeler la cuisinière et toutes deux montèrent derrière elle. Je me précipitai chez le docteur Mackenzie. C'était pour vous une bien dure épreuve, et vous avez montré beaucoup de courage, mais ne pensez pas trop à l'état de votre mère, ni aux paroles qu'elle a dites. Elle a une forte fièvre et ne sait pas ce qu'elle fait. Asseyez-vous, je vous en prie, et buvez un peu de vin. Non, merci, je n'en bois jamais. Tant mieux, car en ce cas, un verre de cet excellent Bordeaux vous fera beaucoup de bien. Tenez. « Je vous en verse un peu. Buvez vite. » Elle obéit avec un sourire résigné. Elle était très pâle, mais le vin rendit quelques couleurs à ses joues. « Votre histoire m'intéresse, » repris-je après un silence, « et particulièrement ce que vous m'avez dit de votre pauvre père. Il devait être bien bon pour que vous ayez conservé de lui un souvenir aussi profond. Voulez-vous me le dépeindre ?» À ces mots, elle se redressa. Je vis des larmes mouiller ses paupières. Elle se mordit les lèvres pour cacher son émotion. « Mon père ne ressemblait à personne, » dit-elle. « Il me serait impossible de le dépeindre à quiconque ne l'a point connu. Mais vous pouvez au moins me dire s'il était grand ou petit, brun ou blond, vieux ou jeune. Je ne le puis. C'était mon père, voilà tout. Quand on aime son père, il reste éternellement jeune. On n'analyse pas ses traits. Aux yeux de son enfant, seul son visage existe. Mais quoi qu'il remplisse, nuit et jour, ma pensée... Je ne saurais en faire le portrait. Mais attendez, j'ai sa photographie. Je ne la montre pas à tout le monde, mais à vous. » Elle s'élança hors de la pièce et revint, un moment après, avec un étui de maroquin qu'elle ouvrit en l'approchant d'une bougie. C'était la photographie d'un homme grand et mince, aux yeux creux et à la figure excessivement maigre. Le regard était perçant, les lèvres fines et fermes, le menton avait une fossette, le visage entier marquait la résolution. J'ai jeté un coup d'œil rapide et rendis l'étui à Gabrielle. C'était le portrait de l'homme que j'avais aperçu dans le jardin. La malade passa une nuit affreuse. Aucun mieux ne se manifesta le lendemain matin. Sa température avait plutôt augmenté. Son pouls était plus rapide, ses respirations plus précipitées. Quant aux divagations, elles étaient devenues presque incohérentes. Mackenzie et moi, nous nous consultâmes anxieusement. Quand il se retira, je l'accompagnai. « Je vais vous adresser une étrange requête, lui dis-je. J'ai besoin de votre aide et je suis sûr que vous ne me le refuserez pas. En deux mots, je voudrais faire des démarches immédiates pour qu'on ouvre le cercueil de Heathcote. » Certainement, Mackenzie me crut fou. Il me regarda, ouvrit les lèvres comme pour parler, puis, se ravisant, attendit la suite de mon discours. « Je voudrais qu'on exhume Heathcote, répétai-je. Si vous voulez m'écouter, je suis prêt à vous en donner la raison. » Je lui contai alors comment était l'homme que j'avais aperçu dans le jardin. « Je soupçonne là-dessous quelques machinations, » conclus-je. « J'étais mêlé à cette affaire contre mon gré, mais j'entends maintenant la tirer au clair. » Mackenzie leva les bras au ciel. « Je ne doute pas de votre bon sens, » fit-il, « mais avouez qu'à m'entendre gravement demander l'exhumation d'un homme enterré depuis 6 mois, il y a de quoi rester bouche bée. Quelle raison pourrez-vous bien donner aux autorités à l'appui de votre requête ?»« Que j'ai de fortes présomptions de croire que l'homme n'est pas mort. À présent, voulez-vous agir de concert avec moi, oui ou non ?»« Parbleu, je marche avec vous, mais cela ne veut pas dire que j'approuve la chose. » Nous retournâmes chez lui en causant des démarches nécessaires pour obtenir le permis d'exhumation. Mackenzie promit de me télégraphier dès qu'il l'aurait obtenu et je dus ensuite me hâter vers mes devoirs quotidiens. Comme je montais en voiture, je me retournai pour lui poser une dernière question. « Avez-vous quelque raison de croire que Heathcote fut assuré pour une somme importante ? » demandai-je. « Aucune, je n'en sais rien. Vous êtes tout à fait sûr qu'il n'avait aucun ennui ? » « Je ne lui en connaissais pas, mais cela ne signifiait rien, car je n'étais nullement intime avec la famille, et comme je vous le disais hier soir, je n'étais plus rentré chez eux depuis le jour de l'enterrement. Je n'ai jamais entendu parler d'ennui d'argent, mais naturellement, il se peut qu'il y en ait eu. Dès réception de votre dépêche, je vous fixerai un rendez-vous à Kensal Green. Je sautai en voiture, le fiacre s'éloigna. Dans le courant de la journée, une dépêche me renseigna sur l'état de Mrs. Heathcote. Il restait stationnaire et de l'avis de Mackenzie, rien ne nécessitait ma présence. Le lendemain, de bonne heure, le permis demandé fut délivré par le coroner. Mackenzie m'en avisa par express et je lui donnai rendez-vous à Kensal Green le lendemain matin. Je n'oublierai pas de sitôt cette journée. Un temps de bourrasque glacée, comme il s'en rencontre en mars plus qu'à toute autre époque de l'année. Le cimetière avait cet aspect lugubre que justifiait le lieu et le temps. Les quelques couronnes, éparpillées çà et là, sur les tombes neuves, étaient trempées et dépouillées de leur éphémère beauté. Le vent soufflait par rafales, suivi toutes les 10 minutes d'ondées et de grêles. Dans les accalmies, on entendait comme un sourd gémissement. À mon arrivée, j'aperçus Mackenzie, venu avant moi. Il était accompagné d'un délégué du coroner et d'un officier de police. 2 hommes employés dans le cimetière étaient là, prêts à nous aider. Nul n'exprima la moindre surprise de notre étrange demande. Sur les lèvres de Mackenzie seul, je lus une désapprobation. Kensal Green est un des plus vieux cimetières entourant notre immense métropole. La tombe de Heathcote se trouvait dans la plus ancienne partie du champ de repos. C'était un de ces hideux caveaux, ne se rattachant à aucun style, énorme construction de briques, sur l'un des côtés de laquelle se trouvait la porte. On la dégagea, et l'ayant ouverte, les 2 hommes descendirent, l'un d'eux tenant une torche pour reconnaître le cercueil. Au bout de quelques minutes, ils l'amenèrent au jour. En le voyant, je me souviens des paroles de Mrs. Heathcote pendant son délire. « Un beau et solide cercueil de chêne qui ne s'abîmera point », s'était-elle écriée. Mackenzie et moi, suivis du magistrat et de l'officier de police, nous nous dirigeâmes derrière les porteurs vers le dépositoire. Pendant le trajet, je demandai à Mackenzie comment allait la malade. Il hocha la tête et répondit « J'ai les craintes les plus graves. Mrs. Heathcote est au plus mal. La fièvre augmente. C'est un feu qui la consume. Ce matin, sa température dépassait 40 degrés. Il faudrait l'envelopper dans des draps mouillés d'eau froide. Pauvre femme. « Comment expliquez-vous cette maladie subite, Mackenzie ?» Il haussa les épaules. « Quelques secousses, » fit-il. Puis il continua. « S'il savait ce que nous faisons aujourd'hui, cela l'achèverait. Pauvre âme, j'espère qu'elle ne le saura jamais. » Nous avions atteint le dépositoire. Les hommes, qui portaient le cercueil sur leurs épaules, le placèrent sur deux tréteaux. Ils tirèrent alors de leurs poches des tournevis et dévissèrent le couvercle rapidement et sans ménagement. Ayant terminé, ils se retirèrent en refermant la porte. Dès que nous fûmes seuls, je dis un mot à l'officier de police et, allant vivement près du cercueil, je soulevai le couvercle. Cette façon de procéder aurait eu, dans les circonstances habituelles, des conséquences effrayantes, sur lesquelles il est inutile d'insister. Mackenzie, très pâle, se tenait près de moi. Je le regardai une seconde et je rejetai le linceul qui était censé cacher la face du mort. C'était bien un mort, mais celui-là n'avait jamais connu la vie, notre vie. Mackenzie poussa brusquement une exclamation. Le magistrat et l'officier de police approchèrent. Je tirai du cercueil un sac de farine. Il y en avait plusieurs, entassés dans l'évident dessein de simuler le poids exact de l'homme. Le pauvre Mackenzie avait complètement perdu l'usage de la parole. Le magistrat se mit à prendre des notes. Gravement, l'officier de police s'en fit autant. À la fin, Mackenzie retrouva sa langue. « Jamais je n'ai ressenti pareille stupéfaction, » dit-il. « Songez que j'ai presque vu mourir l'homme. » « Où est-il ? Au nom du ciel, qu'est-il devenu ? C'est la chose la plus monstrueuse que j'ai jamais entendu parler depuis ma naissance. Quoi ? J'ai suivi l'enterrement de ces sacs de farine ? Je ne m'étonne plus que cette femme m'ait tenu à l'écart. Mais ce qui m'embarrasse, c'est le motif. Quel peut être le motif ? Peut-être une compagnie d'assurance nous le dira-t-elle ? Fit l'officier de police. « Monsieur, » continua-t-il en s'adressant à moi, « il me faut rendre compte de ceci. Je n'ai pas le moindre doute que la justice n'ordonne des poursuites. » « Je ne puis m'y opposer, » répondis-je. « Songez seulement que la pauvre femme, auteur principal de la fraude, est pour l'instant aux portes du tombeau. »« Nous aurons l'homme lui-même, » murmura le policier. « S'il est en vie, nous le trouverons bientôt. » Une demi-heure après, Mackenzie et moi nous quittâmes le lugubre cimetière. Il me fallait me hâter vers Harley Street, où m'appelaient quelques occupations pressantes. Mais je convins avec Mackenzie de le retrouver le soir chez les Heathcote. Inutile de dire que l'aventure ne me sortit pas de l'esprit. Quelle vie avait dû mener le malheureux Heathcote pendant les 6 derniers mois ? Rien d'étonnant à ce qu'il me parut semblable à un mort, quand la lune éclaira son visage décharné. Et ce n'était pas un fantôme, mais un homme de chair et d'os comme nous, un homme qui, censé enterrer à Kensal Green, se promenait encore, pourtant, sur terre. Il était près de 8 heures quand j'arrivai à la maison de Heathcote. Mackenzie s'y trouvait déjà. Il vint à ma rencontre dans le vestibule. « Où est Miss Gabrielle ? » demandai-je aussitôt. J'ai prié la pauvre enfant de rester dans sa chambre. Elle ne sait rien de ce qui est arrivé ce matin, mais se meurt d'inquiétude au sujet de sa mère. Les heures de cette malheureuse femme sont comptées. Elle baisse rapidement. « Voulez-vous monter tout de suite près d'elle, Halifax ? Elle vous a demandé plusieurs fois. » Suivi de Mackenzie, je gravis l'escalier et entrai dans la chambre de la malade. Un coup d'œil au visage me fit comprendre que j'étais dans la chambre d'une agonisante. Miss Heathcote était étendue, sans mouvement. Ses beaux cheveux, de vrais cheveux de jeune femme, répandus sur l'oreiller. Son visage pâle était mouillé de sueur. Ses yeux sombres, graves et effrayants, se tournèrent et se fixèrent sur moi dès que j'approchais du lit. Quelque chose comme une ombre de sourire trembla sur ses lèvres. Elle fit un effort pour étendre une main décharnée et tâcher de saisir la mienne. « Ne bougez pas, » lui dis-je. « Peut-être avez-vous quelque chose à me demander. Je me pencherai pour vous écouter. J'entends très bien. Vous pouvez parler aussi bas qu'il vous plaira. » Elle sourit encore d'une façon presque heureuse de voir que je la comprenais. « J'ai quelque chose à confesser, » dit-elle d'une voix faible et sourde. « Faites sortir la garde et le docteur Mackenzie. » Je fus obligé d'expliquer à mon confrère le désir de la malade. Il fit signe à l'infirmière de la suivre et quitta la chambre. Dès qu'ils furent sortis, je me penchai et pris une des mains de Mrs. Heathcote. « Maintenant, prenez courage. Dieu pardonne les fautes. Avez-vous péché ? Oh oui, oui. Mais comment pouvez-vous le savoir ? Ne vous tourmentez pas. Je lis dans les âmes. Si l'aveu doit soulager votre conscience, parlez. Mon mari est vivant. » Je le présumais. Il s'était assuré sur la vie pour 15 000 livres environ. Cette somme pouvait nous sauver du déshonneur. Nous avons résolu de le faire passer pour mort. Elle s'arrêta, épuisée. La semaine dernière, reprit-elle, j'ai revu l'homme qu'on croit mort et qui est vraiment en train de mourir. La douleur de le savoir, sans pouvoir rien faire pour lui, sans consoler ces derniers moments, a été trop horrible. J'ai senti que je ne pourrais lui survivre. J'ai pris du poison, une infusion de chanvre indien. Je pensais me tuer, mais je ne croyais pas atteindre mon but d'une manière si terrible. » Elle regarda du côté de la porte et son visage se transforma. Ses yeux brillèrent d'une joie soudaine et émouvante. Elle fit un effort insensé pour se soulever. Je suivis la direction de son regard et une exclamation d'épouvante s'échappa de mes lèvres. Gabriel, les joues empourprées, les lèvres tremblantes, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules, entrait dans la chambre, tenant par la main un homme au visage cadavéreux à l'aspect effrayant. En d'autres termes, Heathcote lui-même venait au chevet de sa femme mourante. « Horace ! » cria-t-elle, « Horace ! Mourir dans vos bras, savoir que vous me rejoindrez bientôt, c'est trop de bonheur. C'est une trop grande joie. » L'homme s'agenouilla près d'elle et l'entoura de ses bras faibles, tandis qu'elle appuyait sa tête contre la poitrine usée. « Laissons-les ensemble, » dis-je à Gabrielle. Je la pris par la main et l'entraînai hors de la chambre. Elle était en proie à une violente exaltation. « Je l'avais bien dit, qu'il n'était pas mort, » répétait-elle. « Je l'ai toujours dit. » Il y a quelques minutes, j'étais assise à ma fenêtre et je l'aperçus dans le jardin. Cette fois, je ne voulais pas qu'il m'échappât. Je dégringolais les escaliers et sans qu'il m'aperçoive, j'arrivais près de lui. Je saisis sa main, une main décharnée comme celle d'un squelette et qui pourtant brûlait d'un feu vivant. « Mère est mourante, » lui dis-je, « venez tout de suite près d'elle. » Et je le ramenai à la maison. « Vous avez bien fait. Vous vous êtes bravement conduite. » Je l'emmenai à l'autre bout de la maison. Une heure après, Mrs. Heathcote mourut et je n'étais pas près d'elle quand elle rendit le dernier soupir. Mon seul désir maintenant était de venir en aide à la petite Gabrielle. C'est pourquoi je cherchais à avoir une entrevue avec Heathcote. Il n'était plus possible, malheureux, de rester caché. Ses propres instants étaient comptés. Il n'avait fait évidemment que devancer sa mort de quelques mois. Je le vis le lendemain. En quelques mots, il me narra son stratagème. « Me voilà sévèrement puni pour l'unique faute de ma vie, » dit-il. « Je suis avoué. Étant jeune, je succombais à la tentation de m'approprier un dépôt qu'on m'avait confié, espérant, comme beaucoup d'autres, le remplacer avant qu'on ne s'aperçût du vol. J'étais marié et heureux, aimant ma femme comme elle m'aimait. Je n'avais pas une bonne santé, et plusieurs médecins m'avaient prévenu qu'une grave maladie de poitrine me menaçait. Il y a 8 mois, la catastrophe à laquelle je ne pensais plus se produisit. Je passe les détails. Qu'il me suffise de vous dire qu'on m'a mis en demeure de restituer à leur légitime propriétaire les 12 000 livres du dépôt, et cela dans un délai de 3 mois. Si je ne parvenais à me procurer cette somme, c'était la prison, le déshonneur et la ruine. Ma femme et mon enfant auraient été réduits à la mendicité. Je m'étais assuré pour la vie sur 15 000 livres. Cette somme, si on parvenait à la toucher, devait payer ma dette et laisser même un excédent pour ma femme et ma fille. Je savais mes jours comptés. Cela ne me parut pas un crime détestable d'anticiper de quelques mois sur ma mort. J'en parlai à ma femme, qui à la fin consentit à m'aider. Nous arrangeâmes tout fort habilement, et nul ne soupçonna la fraude. Nos vieux domestiques, qui vivaient avec nous depuis des années, furent éloignés sous prétexte de vacances. Nous n'en gardâmes point à la maison, à l'exception d'une femme de charge qui venait chaque jour pendant quelques heures. « Vous avez combiné avec une grande habileté votre mort supposée. L'hémorragie, l'aspect effrayant de votre visage était suffisamment naturel pour tromper même un médecin habile et clairvoyant comme Mackenzie. » Heathcote grimaça un sourire. Le tour fut aisé. Je pris un émétique que je savais produire cette teinte cadavéreuse des approches de la mort. Quant à l'hémorragie factice, je l'obtins l'aide de sang de bœuf que me fournit un boucher éloigné pour être mélangé à la pâté de mes chiens. Et comment avez-vous trompé les ensevelisseurs ? Ma femme insista pour couvrir mon visage. Je n'eus donc qu'à simuler la rigidité. Quant à la froideur, je fus suffisamment glacé, en demeurant étendu, sans même une couverture sur moi. Après qu'on me mit dans le cercueil, ma femme ne permit à personne d'entrer dans la chambre. Naturellement, elle m'apporta à manger et perça des trous dans le couvercle. Mais je ne pus oublier les 5 minutes d'angoisse durant lesquelles on le cloua. Tout fut rapidement terminé. Dès que les ensevelisseurs se furent retirés, ma femme dévissa le couvercle et me rendit la liberté. Nous remplîmes alors le cercueil avec des sacs de farine dont nous nous étions pourvus et que nous avions cachés dans ce dessin. mon enterrement eut lieu avec la pompe voulue. La nuit, je quittai la maison, comptant m'embarquer pour l'Amérique. Si je l'avais fait, les funestes conséquences qui ont abouti à la mort de ma femme ne seraient probablement pas arrivées. Mais à la dernière heure, le courage me manqua. Je pouvais faire beaucoup pour mettre à l'abri du besoin ma femme et ma fille, mais je ne pus supporter la pensée de ne jamais les revoir. Malgré les supplications de ma femme, j'insistai pour venir dans le jardin dans le dessein égoïste d'entrevoir la petite silhouette de Gabrielle s'agitant dans sa chambre. Elle m'aperçut une fois, mais je m'échappai avant qu'elle m'atteignît par une porte laissée ouverte à dessein. Je pensais bien ne plus tenter cette aventure, mais une fois de plus, je me laissais vaincre. Ma santé s'affaiblissait rapidement. J'étais réellement mourant. Et le matin du jour où ma femme tomba malade, une hémorragie, réelle cette fois, s'était déclarée. Elle me trouva dans le misérable logement où je me cachais, dans un état voisin de la misère et du dénuement le plus complet. À ma vue, elle parut perdre son calme. « Horace ! » s'écria-t-elle, « je ne puis supporter cela. Si vous mourrez, je vous suivrai. Nous emporterons dans la tombe, où nul ne nous poursuivra, notre honte, notre douleur et notre malheureux amour. Quand vous mourrez, je mourrai. Oh, vous voir ainsi me rend folle !» Elle me quitta. Hier, à son lit de mort, elle m'a dit qu'elle avait hâté sa fin par une forte dose d'aloès ou de chanvre des Indes. Voilà l'histoire. Je sais que je me suis exposé à de graves poursuites, mais je ne crois pas survivre longtemps à tout ceci. Heathcote disait vrai. Il mourut paisiblement le même soir pendant son sommeil. Pauvre petite Gabrielle. Je la revis une fois après la mort de ses parents, mais depuis 2 ans je n'en ai plus entendu parler. Se remettrait-elle jamais de tant de terribles secousses? Que lui réserve l'avenir? Je ne saurais répondre à ces questions et seul le temps pourra le faire. Ainsi s'achèvent Les sacs de farine par Lily Thomas Mead et Clifford Halifax.